بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va entamer inshallah ta'ala le deuxième cours de ce séminaire donc concernant l'explication des chapitres liés à la purification tirés du livre Ar-Risala de l'imam Al-Qayrawani rahimahullah. Avant de continuer la lecture de ce qu'a dit l'auteur rahimahullah, il y a quelques questions qui m'ont été envoyées. Parmi les questions, donc même si je dors la journée une demi-heure profondément par exemple, je dois refaire mes ablutions. Oui, même si vous dormez pendant la journée, ne serait-ce que 5 minutes, 1 minute, profondément, vous devez refaire vos ablutions. À partir du moment où on a perdu le contrôle, à partir du moment où on ne contrôle plus ce qui se passe autour de nous, on doit refaire nos ablutions. La question d'après, à partir de quand faire la différence entre el-haïd, les menstrues, et el-istihad, les métrorragies, quand les règles durent. Et donc, ici, barakallahu fikoum, ça c'est un gros sujet de divergence. Il y a certains savants qui voient que la menstrue de la femme ne dépasse pas 15 jours. Ça, on va le voir, inshallah, au ta'ala. Certains savants voient que les menstrues de la femme ne dépassent pas 15 jours. Pourquoi? Par rapport à un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la femme, elle s'arrête de prier, elle délaisse la prière, shatara umriha, la moitié de sa vie. La moitié de sa vie. Et donc, ce qui équivaut à 15 jours par mois, puisque les mois, c'est à peu près 30 jours. Et donc, ils disent, à partir de là, les menstrues de la femme ne peuvent pas dépasser 15 jours. Au-delà de 15 jours, ce ne sont plus des menstrues, ce sont des métroragies. L'autre avis, barakallahu fikou, en fait, il y a plusieurs avis, mais les deux avis les plus prépondérants, ce sont ces deux que je cite là. Le deuxième avis, et donc c'est le choix d'Ibn Uthaymin, d'Ibn Taymiyyah et d'autres, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite concernant les menstrues de la femme. Parce que, premièrement, le hadith qu'on a cité tout à l'heure, le hadith il est authentique, mais la narration qui cite la moitié de sa vie, cette narration n'existe pas. Je ne dis même pas qu'elle est faible, elle n'existe pas. Elle n'est pas citée dans les livres de hadith. Et d'ailleurs, les savants du hadith font le reproche justement aux savants de la jurisprudence qui se sont répétés et qui se sont suivis dans cela. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, sans pour autant aller vérifier dans les sources, dans les livres de hadith, est-ce que effectivement il a dit. Et en recherchant dans les livres de hadith, on voit que non, ce terme n'existe pas, n'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là, barakallahu fikoum, l'avis le plus juste, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, c'est qu'il n'y a pas de limite définie pour les plus longues menstrues de la femme. Même si c'est un très gros débat. Là, ici, j'ai résumé l'affaire. Mais il y a aussi une contre-réplique. Parce que là, j'ai cité la réplique par rapport au fait que le hadith est faible. Mais il y a une contre-réplique pour ceux qui nous disent que c'est 15 jours. Il s'adresse aux autres qui disent, ok, d'accord, vous dites que le hadith, vous dites que les menstrues, il n'y a pas de limite. Ok, à partir de quand vous allez dire à la femme qu'elle a des métroragies et qu'elle n'a pas des menstrues? À partir de quand? Peu importe la date que vous allez nous donner, on va vous dire, donnez-nous la preuve. Vous n'allez pas trouver. Et donc, vous allez être comme nous. Et donc, à partir de là, barakallahu fikoum, ce sujet, jazakumullahu khairan, c'est un sujet de grosse divergence. Mais, donc, il n'y a pas concrètement de preuve pour nous définir, pour nous dire qu'au bout de 15 jours, on ne considère plus les menstrues de la femme. Il n'y a pas de preuve textuelle qui dit cela. Après, si la femme, ses menstrues durent un mois et demi, c'est sûr que là, on va dire, oui, c'est des métroragies. Le problème, c'est quand on va être un petit peu en dessous d'un mois. Le problème, c'est quand on va être là, un petit peu en dessous des 1 mois, entre les 15 jours et les 1 mois, c'est là qu'on va tomber vraiment dans une très grande divergence entre les ulema. Et pour ça, il faut demander une fatwa. Là, je ne prends pas la responsabilité de répondre. Il faut que chacun sache reconnaître sa place. Il y a une sœur qui demande, donc, concernant l'urine. Après avoir uriné, elle se purifie avec du papier. Et ensuite, après cela, elle va prier, même si elle se renettoie par la suite, etc., etc. Donc, il faut savoir, barakallahu fikoum, que dans la sunna, on a la purification avec le papier. Il n'est pas obligatoire de se purifier avec l'eau. Dans la sunna, excusez-moi, on a la purification avec des solides, c'est-à-dire avec des pierres. Et on va comparer tout autre solide à ces pierres. À notre époque, c'est le papier. Ça va être le papier qui va être utilisé pour se purifier. Et donc, cela est valable. La personne, la femme ou l'homme qui va uriner et ensuite se purifier avec le papier, cela est valable, inshallah ta'ala. Il faut se purifier 3 fois. D'accord ? Avec 3, donc, morceaux de papier. Certains savants disent, si on a 3 côtés, ça suffit. Inshallah ta'ala. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah ta'ala, il est obligatoire de se purifier après toutes les causes que nous avons citées. Donc, on a cité plusieurs causes. Le fait de dormir, avoir un gaz, uriner, déféquer, perdre la raison, etc. Et donc après toutes les causes que nous avons citées, il est obligatoire de se purifier. Et après la sortie du liquide qui jaillit avec la jouissance durant le sommeil ou l'éveil, venant de l'homme ou de la femme. Donc la personne qui va éjaculer lorsqu'elle est réveillée, lorsqu'elle dort. Et ici, il nous dit... lorsque la personne est éveillée. Et donc, à partir de là, il est obligatoire aussi d'avoir un... donc, de se purifier. Et là, maintenant, l'auteur, rahimahullah, il aborde le sujet de la douche rituelle. Tout à l'heure, il a abordé le sujet de l'ablution, et maintenant, le sujet de la douche rituelle. Naam. J'ai éjaculation, sans rapport. On peut vous... oui. Une éjaculation sans rapport, il est obligatoire de faire la douche rituelle. Et donc les savants sont unanimes, barakallahu fikoum, quant au fait que la douche rituelle est obligatoire à partir du moment où le liquide spermatique sort. À partir du moment où le liquide spermatique sort, il est obligatoire de prendre sa douche rituelle. Ça c'est avec unanimité. On a déjà cité le hadith de Umm Sulaym tout à l'heure qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Idara et il met » lorsqu'elle voit... le liquide. Oui, elle fait son rousse. Toyib, ensuite l'auteur qui nous dit, rahimahullah, il est encore obligatoire de se purifier à la fin du sang des menstrues, de la métrorragie ou des lochies. À la fin du sang des menstrues, il est obligatoire de se laver, de prendre la douche. À la fin du sang des métrorragies, il est obligatoire. Attention, ça c'est la parole de l'auteur. À la fin du sang des lochies, il est obligatoire de prendre la douche. Toyib, les savants sont unanimes quant au fait que la femme, il est obligatoire de faire la douche rituelle lorsque celle-ci s'est purifiée de ses menstrues. Lorsqu'elle s'est purifiée de ses menstrues. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضَ. Il t'interroge concernant الْمَحِيضَ, les menstrues. قُلْ هُوَ أَذَا. Dis, ceci est une, donc, souillure. فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضَ. Alors, délaissez les femmes durant les périodes de menstrues. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Et ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles se purifient, jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Fa idha tatahharna. Elle s'est purifiée, ça veut dire qu'elle n'a plus de menstrues. Et lorsqu'elles se sont purifiées, ça veut dire elles ont fait la douche rituelle. Elles ont fait la douche rituelle. Et donc, on comprend de ce verset, barakallahu fikoum, la deuxième sourate, le verset 222, il est obligatoire à la femme de faire sa douche rituelle après la purification des menstrues, après que les menstrues se soient arrêtées. Naam. Tu dis menstrues. Lochi. Lochi. Oui. Mais lochi, menstrues, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est ça, en fait, parce que alors, l'hémorragie, t'as défini parce que c'est une période. Les lochis. Alors, les lochis. Alors, l'Eloshi Barakallahu Fikoum, c'est le sang, c'est la perte de sang que la femme va avoir après l'accouchement. La perte de sang que la femme va avoir après l'accouchement. On voit comment les frères maîtrisent le sujet, mashallah. Pourtant, vous êtes concernés. Hein? Pourtant, on est concernés. Tayyib. Alors, les savants sont unanimes quant au fait qu'il est obligatoire à la femme de faire la douche rituelle après la fin des lochis. Et ils se basent sur les mêmes preuves que pour les menstrues. Ils font la comparaison avec les menstrues. Et concernant la femme qui est touchée de métrorragie, il ne lui est pas obligatoire de faire la douche rituelle. La femme qui est touchée de métrorragie, lorsqu'elle finit, lorsque le sang s'instompe, il n'est pas obligatoire de faire le rousse, la douche rituelle. Il n'y a aucune preuve qui montre cela. D'accord ? Lorsque la femme est touchée de menstrues, à la fin des menstrues, elle se purifie. Les lochis, à la fin des lochis, elle se purifie. Le sang des métrorragies, là c'est la maladie, lorsque le sang s'instompe, elle n'a pas l'obligation de se purifier. Elle n'a pas l'obligation de faire, c'est-à-dire, elle n'a pas l'obligation de faire la douche rituelle. L'auteur qui nous dit, ou encore, donc il est obligatoire de faire la douche rituelle, quand le gland a totalement été recouvert par la pénétration dans le vagin, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Donc à partir du moment où il y a eu une pénétration lors du rapport, même si la pénétration n'est pas totale, lorsque le gland a totalement été recouvert par le vagin, il est obligatoire de faire la douche rituelle pour les deux. Dans Sahihain, al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Iza jalasa bayna shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Lorsque l'homme s'installe entre les quatre membres de la femme, puis fait les efforts avec elle, alors là la douche rituelle devient obligatoire. » Là, le prophète, il nous parle d'un rapport. Et justement, dans la narration de l'imam Muslim, il est cité « Wa in lam yunzil » même s'il n'a pas éjaculé. Le rousl est obligatoire, la douche rituelle est obligatoire, même si l'homme n'a pas éjaculé. Dans le Muwatta, bon, le Muwatta de l'imam Malik, d'après Aïcha, radiallahu anha, qui dit « Kanu yakulun » Iza massa al-khitan al-khitan wajaba al-ghusl. Aïcha elle dit, il disait, donc c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque al-khitan a touché al-khitan, c'est-à-dire lorsque le gland a été recouvert dans le vagin, eh bien la douche rituelle est obligatoire. Ici barakallahu fikoum les frères, il y a un hadith qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir un homme des Ansar. Et il est arrivé devant chez lui, il a envoyé quelqu'un pour aller le chercher. Fakharaja wa ra'suhu yaktur. L'homme il est sorti et il a de l'eau qui coulait de sa tête. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la'allana a'jalnak. Il se peut qu'on t'ait empêché de finir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il est possible qu'on t'ait empêché de finir. L'homme, il a dit, na'am, oui. Oui. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Iza u'jilta au uqhitta, fais la rousla alayka wa alayka al-wudu. Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si on t'empêche de finir, ou alors, tu n'arrives pas à finir. Parce que ça peut arriver. Hein? Et donc, si on t'empêche de finir, ou alors que tu n'arrives pas à finir, et donc tu as un rapport, mais tu n'as pas d'éjaculation, alors, à ce moment-là, la douche rituelle ne t'est pas obligatoire, mais tu dois faire les ablutions. Le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Quelle explication vous allez me donner ici, les frères? Barakallahu fikoum. Le fait de faire Ouais. Le premier hadith, voilà, le premier hadith dans Sahihain, on a obligatoire de faire la douche rituelle. Deuxième hadith, toujours dans Sahihain, non, tu fais juste les ablutions. Alors, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas fait un truc. Il n'y a pas le temps de faire les ablutions. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas fait un truc. Il ne peut pas faire. C'était au début de l'islam. Au début de l'islam, ce n'était pas obligatoire de faire la douche rituelle. Au début de l'islam, ce n'était pas obligatoire de faire la douche rituelle s'il n'y avait pas eu d'éjaculation. Et c'est là qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Innamal ma'u minal ma'. »« Innamal ma'u minal ma'. » Certes, l'eau dépend du liquide. C'est-à-dire que tu vas utiliser l'eau pour la douche rituelle lorsque le liquide, donc spermatique, est sorti. Et ça, ça a été abrogé par la suite. Et donc, il est devenu obligatoire de faire la douche rituelle, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Ensuite, il continue l'auteur, rahimahullah, il dit « Le fait que le gland soit totalement recouvert par la pénétration dans le vagin entraîne l'obligation de la douche rituelle, de la sanction et de la dot. Le fait que le gland soit rentré, soit couvert totalement par le vagin, cela entraîne l'obligation de la douche rituelle. » Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. L'obligation de la sanction. Ce qui est voulu ici, c'est pour celui qui n'est pas marié. Celui qui n'est pas marié et qui habite dans un pays où, donc, la charia va être appliquée. D'accord ? Celui qui est dans ce cas-là, et donc c'est de cette sanction-là qu'il parle l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Et donc là, il veut nous montrer l'auteur, barakallahu fikoum, que la personne qui va tomber, qu'est-ce qui est considéré comme étant de la fornication en fait? Ici l'auteur, il nous montre qu'est-ce à partir de quand on dit que la personne elle a forniqué. La fornication va être à partir du moment où la personne a eu son gland qui a été recouvert par le vagin d'une femme étrangère. À partir du moment où il est déjà rentré, même s'il n'a pas éjaculé, il va te dire « Mais j'ai pas éjaculé moi !» On va lui dire, c'est de la fornication, il t'est obligatoire de te repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et encore, troisième point à la fin, l'obligation de la dot. Comment ça, ça implique l'obligation de la dot? On parle de personnes qui vont divorcer. Et l'homme, lorsqu'il se marie avec une femme, il doit payer une dot. D'accord? Cette dot, il se peut qu'il la paye tout de suite, il se peut qu'ils se mettent d'accord sur le fait qu'elle soit payée par la suite. Et s'il y a une séparation, on regarde s'il y a eu un rapport. On regarde s'il y a eu un rapport. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous dit « Wa in tallaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridha » Si vous les divorcez, si vous divorcez de vos épouses, avant donc d'avoir eu de rapport avec elles, min qabli an tamassuhunna, avant d'avoir eu de rapport avec elles, wa qad faradtum lahunna farida, alors que vous leur avez donc promis une dot déterminée. Fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Alors là, vous devez leur donner la moitié de ce que vous avez, de ce que vous avez promis comme dot, sauf si elle-même, elle fait grâce de cela. Et donc, à partir de là, s'il y a eu un rapport, il faut payer. Et s'il n'a pas fait la vie ? S'il n'y a pas eu de rapport, et que tu divorces la femme avant d'avoir eu de rapport, il faut donner la moitié de la dot. Si tu as eu un rapport avec la femme, là, il faut donner toute la dot entièrement. Tayyib. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, cela rend les deux époux muhsan. Il rend licite la femme divorcée trois fois à celui qui l'a divorcée. Il va aussi annuler le grand pèlerinage et le jeûne. Cela rend les deux époux muhsan. El-Ihsan, ici ce qui est voulu par l'Ihsan, c'est le fait que les deux époux ne sont plus vierges. Une femme est vierge. Elle se marie avec un homme. Celui-ci va avoir un début de rapport avec elle. Il y a juste le gland de cet homme qui va être couvert par le vagin. Et à ce moment-là, ils ont une dispute. Ils divorcent de cette femme. Ils ont divorcé. Quelque temps après, elle cherche à se remarier. Elle dit à un homme, « Je suis vierge. » C'est faux. À partir du moment où le gland a pénétré dans le vagin, elle n'est plus vierge. Et lui non plus n'est plus vierge. D'accord ? Et donc, c'est ça qui est voulu par elle, Ihsan. Donc, une femme, donc ici, l'auteur qui nous dit, et il rend licite la femme divorcée 3 fois à celui qui l'a divorcée. C'est-à-dire, donc, alors, un homme est marié avec une femme. Un homme est marié avec une femme. Il la divorce 1 fois. Il la récupère. Il la redivorce 2e fois. Il la récupère. 3e fois, c'est fini. Elle ne lui est plus licite. D'accord ? Elle se remarie avec un autre. Et lorsqu'elle se remarie avec un autre, ils ont un rapport. Et pendant le rapport, elle nomme le nom de son ex-mari. Le nouveau mari, qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, jamais de la vie. Il part, il la divorce, il part. Il n'y a pas eu d'éjaculation, ni de l'un ni de l'autre. Il n'y a pas eu de plaisir, puisque ça venait de commencer. Mais il y a la pénétration. Est-ce que cette femme-là, il lui est permis de retourner avec son ancien mari ? Oui. Oui. Oui, oui, oui, oui. Oui, parce que... Elle a eu un rapport. Ah, d'accord, je pensais que c'était pas bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue le voir parce qu'elle voulait se remarier avec son ex-époux qu'il avait divorcé 3 fois. Elle s'était mariée avec un homme. Mais il n'y a pas eu de rapport. Et elle voulait se remarier avec son ex-époux. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit là, « Hatta tazouqi usaylatahu wa yazouqa usaylatek. » Non, tu ne peux pas te remarier avec ton ex-époux jusqu'à ce que tu prennes du plaisir avec lui et que lui en prenne avec toi. Jusqu'à ce que tu prennes du plaisir avec ton nouveau mari et que lui en prenne avec toi. Et donc, à partir de là, on a Ibn Hazm, rahimahullah, qui voit que s'il y a eu un rapport et que le rapport, c'est un rapport qui est sans plaisir, non. Non, non, non, non. Sauf que, barakallahu fikum, ça c'est juste l'avis d'Ibn Hazm. Avant Ibn Hazm, il y avait déjà d'autres savants qui ont abordé le sujet. Et cet avis, c'est juste l'avis d'Ibn Hazm. Ce qui est voulu ici, barakallahu fikum, c'est le rapport. Le prophète, il a cité cela parce que la base dans le rapport, c'est le plaisir. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous cite dans le Coran, « Hatta tankiha zawjan ghayra » Donc jusqu'à ce qu'elle épouse, jusqu'à ce qu'elle ait un autre époux qui va avoir un rapport avec elle. Et donc, c'est juste le fait qu'il y ait un rapport. Donc, la pénétration, comme on a dit tout à l'heure. Taïb, ce n'est pas mis en condition qu'il y ait le plaisir. Il se fait que la femme, elle a un rapport avec quelqu'un et qu'elle ne l'aime pas. Elle n'a pas du tout de plaisir. Elle veut divorcer et se remarier avec son ex-époux. On va lui dire non, tu n'as pas eu de plaisir. Ben, tu ne peux pas. Elle se remarie avec un autre encore. Toujours pas de plaisir. Elle pense toujours à son ex. Non, tu peux toujours pas. Réessaie encore. Non, ça ne s'arrête pas, c'est sans fin. Et donc, à partir du moment où elle a eu un rapport avec ce nouveau mari, et donc, là, oui, il lui est permis de se remarier. Et là, je mets en garde contre la ruse. Parce qu'une personne, barakallahu fikoum, elle peut ruser face à un imam. Je me suis marié, j'ai fait un mariage shari, etc., etc. Est-ce que je peux retourner avec mon ex ? Oui, l'imam, il va te dire oui. L'imam, il juge en fonction de ce qui lui est apparent. Mais si tu caches que tu t'es marié avec ce nouveau mari, exprès pour pouvoir retourner avec ton ex-mari, ce mariage-là est caduque. C'est ce mariage-là est caduque. D'accord? Et donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le bouc qui a été prêté. Le bouc qui a été prêté. Vous connaissez le bouc qui a été prêté? Hein? Lorsque tu as des femelles et que tu as besoin d'un mâle. Hein? Tu vas voir Ali, tu vas dire, Ali, est-ce que tu as un mâle pour moi là, pour me prêter là? J'ai besoin, j'ai des femelles là, j'ai besoin d'avoir des petits. Il va te passer un bouc ou un mouton, un bélier. Hein? Il te passe le bélier, son rôle, il est là juste pour travailler quelque temps, et ensuite on le ramène à Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cet homme le bouc qui va être prêté. D'accord? Et ça c'est interdit. Jazakumullahu khairan. Et bien entendu, le rapport va annuler le pèlerinage. Le rapport va annuler le pèlerinage. Tayyib. L'auteur qui continue et qui nous dit, quand la femme voit ses pertes blanches, elle se purifie, mais aussi quand elle constate la siccité de ses parties génitales. C'est-à-dire, elle constate que ses parties génitales sont devenues sèches. Elle a eu ses menstrues, et après les menstrues, elle a eu des pertes blanches. Est-ce que cela, donc, c'est encore des menstrues ou pas? Donc, il faut savoir, barakallahu fikoum, les pertes blanches, lorsque la femme, les pertes blanches, la femme va en avoir en début des menstrues, avant les menstrues et après les menstrues. La femme va avoir des pertes blanches avant les menstrues et après les menstrues. Les savants sont unanimes. Quant au fait que les menstrues s'arrêtent par le fait que les parties génitales deviennent sèches, et par le fait que la femme ait des pertes blanches. Ils sont unanimes quand il y a les deux. La femme, elle a constaté que les parties génitales sont devenues sèches et aussi qu'elle a eu des pertes blanches. S'il y a eu les deux, c'est unanimité. La divergence, c'est quand il n'y a qu'un seul des deux signes. Quand il n'y a qu'un seul des deux signes. Il a été rapporté de Aïcha radhiyallahu anha qui dit La ta'jalna hatta tarayna al-qassat al-bayda. Ne vous précipitez pas jusqu'à ce que vous voyez la perte blanche. Et la vie la plus juste, barakallahu fikoum, c'est qu'un des deux signes suffit et que la perte blanche suffit largement. Aïcha qui nous dit ne vous précipitez pas jusqu'à ce que vous voyez les pertes blanches. Ne vous précipitez pas pour la prière. La femme, parfois, elle a eu ses menstrues, elle veut recommencer la prière, mais elle va se précipiter, elle va prier, et après la prière, elle va voir qu'elle a encore ses menstrues. Ne vous précipitez pas. Ou parfois, c'est l'homme qui va appeler la femme à se précipiter. Et non, il ne faut pas se précipiter. Les frères, je vous dis, ça nous concerne à nous. Ça nous concerne à nous tous. Il faut qu'on connaisse ce genre de sujet. Jazakumullahu khairan. Il nous dit donc qu'elle a constaté cela au bout d'un jour ou deux ou alors une heure. Ça veut dire que les menstrues de la femme s'arrêtent si elle voit les pertes blanches, même si elle voit les pertes blanches au bout d'un jour ou deux depuis le début de ses menstrues, ou alors une heure. Ça veut dire, barakallahu fikoum, qu'ici, chez l'auteur, il n'y a pas de temps minimal pour les menstrues. Les menstrues, ça peut durer un jour ou deux, ou même moins qu'un jour. Il n'y a pas un temps minimal pour les menstrues. Et donc, qu'est-ce que les savants disent de ça, barakallahu fikoum? Abu Hanifa, il nous dit que les plus petites menstrues durent 3 jours. Les plus petites menstrues, chez Abu Hanifa, durent 3 jours, et les plus longues durent 10 jours. Il s'est basé sur un hadith da'if. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a cité l'unanimité des savants quant au fait que ce hadith soit faible. Al-Shafi'i et Ahmed, ils voient que les plus petites menstrues vont durer un jour et une nuit. Et ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur les habitudes. La culture, les habitudes des gens. Les gens sont habitués à ce que les plus petites menstrues durent un jour et une nuit. Le gros problème, c'est qu'on a d'autres habitudes qui montrent autre que cela. On a d'autres habitudes qui montrent autre que cela. Plus que ça, ou même moins que cela. L'imam Malik, rahimahullah, et donc comme on le voit d'après la parole de l'auteur, l'imam Malik, il voit qu'il n'y a pas de limite précise pour déterminer les plus petites menstrues, la plus petite période de menstrues. Et ça, c'est le choix d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il se base sur la parole d'Allah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضُ قُلْ هُوَ أَذَى. Il t'interroge concernant les menstrues, dit ceci est une souillure. Tant que la souillure elle est là, c'est les menstrues. Elle a disparu, c'est plus les menstrues. C'est plus les menstrues. Comment tu fais pour savoir c'est combien de temps? Tant que les menstrues sont là. Tant que le sang est là, tant que la souillure est encore là, eh bien oui, donc c'est les menstrues. Il n'y a plus de souillure, ce ne sont plus les menstrues. Et donc, et ça, c'est la vie la plus juste. Al-Malikiya, c'est la vie la plus juste ici. C'est qu'il n'y a pas de limite concernant le temps minimum de la période des menstrues de la femme. L'auteur qui continue et qui dit, puis, si elle a de nouvelles pertes de sang, ou si elle constate un liquide jaunâtre ou brunâtre, elle devra s'abstenir de prier. Puis, quand le sang s'estompe, elle prend sa douche rituelle et peut reprendre la prière. Elle prend sa douche rituelle et peut reprendre la prière. Et donc, les frères, ce liquide jaunâtre et brunâtre que la femme, elle va voir durant les menstrues, si cela se fait, si ce liquide est vu durant les menstrues, alors il fait partie du sang des menstrues. Et ça, c'est chez les imams, c'est chez les quatre imams. Les quatre écoles. Si le liquide brunâtre est vu durant la période des menstrues, alors il fait partie des menstrues. Par contre, s'il ne fait pas partie, s'il est vu durant une autre période que la période des menstrues, c'est la période des menstrues, c'est terminé. Et après cela, on a un liquide brunâtre qui sort. Là, il y a divergence, et l'avis le plus juste, barakallahu fikoum, c'est que ce liquide brunâtre ne fait pas partie des menstrues. Donc le liquide brunâtre, il va sortir soit durant les menstrues, durant la période des menstrues, et là, il fait partie des menstrues. S'il sort durant une autre période que la période des menstrues, il ne fait pas partie des menstrues. Pourquoi ? Abu Daoud, il cite dans son Sunan, d'après Ummu Atiya, qui dit, radiallahu anha, كُنَّا لَا نَعُدُّ الصَّفْرَةَ وَالْقُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. Après la purification, c'est-à-dire après que le sang se soit arrêté, après les menstrues, on ne prenait pas en compte. Et donc après la période des menstrues, on ne prenait pas en compte le liquide jaunâtre ou brunâtre. Donc elle peut faire la prière. Le liquide jaunâtre ou brunâtre, il sort après la période des menstrues, il n'est pas pris en compte. Pourquoi ? Parce que Ummu Atiya, elle nous dit, on ne le prenait pas en compte. Ça veut dire quoi, on ? C'est les femmes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sahabiyats. Elles ne prenaient pas cela en compte. Tayyib, cependant, donc, Al-Malikiya et Shafi'iya, ils voient que cela fait partie des menstrues. Mais l'avis le plus juste, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'il ne fait pas partie des menstrues. Ensuite, l'auteur qui nous dit, cependant, tout cela représente un seul cycle pour la période de viduité, ainsi que la période permettant de déterminer l'absence de grossesse. Sauf si la période entre deux pertes de sang est de 8 ou 10 jours. Alors là, on considérera qu'il y a deux périodes de menstrues distinctes. Et donc ici, l'auteur, il nous dit, lorsque la femme, elle a eu ses menstrues se sont arrêtées. Et ensuite, après, elle a eu le liquide jaunâtre et brunâtre qui est sorti. Est-ce qu'on considère qu'il y a eu deux menstrues? Et donc, ça veut dire que la femme qui a été divorcée, elle attend trois menstrues. Elle a une menstrue et ensuite, elle a ce liquide jaunâtre et brunâtre qui est sorti quelques temps après. Ça fait deux menstrues. Et ensuite, après cela, elle a des menstrues qui arrivent. Ça fait trois menstrues. Non. Il nous dit, ça ne fait qu'un seul cycle. Ça ne fait qu'un seul cycle. Et on a déjà dit précédemment que la vie la plus juste, c'est que ce liquide jaunâtre et brunâtre, à la base, il ne fait même pas partie des menstrues. Il ne fait même pas partie des menstrues, donc on ne va même pas le compter comme un cycle. Barakallahu fikum. Et ensuite, avant-dernier point, avant la pause, inshallah ta'ala, l'auteur qui nous dit, et celle dont les pertes de sang persistent, attendra 15 jours. Ça, c'est par rapport à la question de la sœur tout à l'heure. Et celle dont les pertes de sang persistent attendra 15 jours. Puis elle sera considérée comme étant atteinte de métrorragie. Elle se purifie et peut jeûner, prier et avoir des rapports intimes avec son époux. Et donc par rapport à cela, tout à l'heure on a cité que c'était une grosse divergence entre les gens de science. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, ils voient tous que la plus longue période des menstrues va atteindre 15 jours. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « فَإِنَّهَا تَمْكُثُ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي » car elle va rester la moitié de sa vie sans prier. Sauf que, comme on a dit tout à l'heure, ceci n'est pas une parole prophétique. Ceci n'est pas une parole prophétique. Abu Hanifa, lui, il voit que c'est 10 jours. 10 jours en se basant sur un hadith faible, comme on a vu tout à l'heure. Le même hadith qu'on a vu tout à l'heure, un hadith où il stipule que la plus courte période des menstrues, c'est 3 jours, et la plus longue, c'est 10 jours. Ce hadith, il est faible. On a un deuxième avis de l'imam Ahmed, qui est le choix d'Ibn Taymiyyah, qui voit qu'il n'y a pas de limite pour les plus longues menstrues. Pourquoi? Parce qu'on se base sur le fait que le sang, il continue de couler. Tant que le sang des menstrues, il est encore là, et donc ce sont encore des menstrues. Il n'y a pas de plus longue limite. Il n'y a pas de texte qui stipule une plus longue limite. Et donc il y a plusieurs avis sur ce sujet, barakallahu fikoum, et j'ai cité tout à l'heure, donc c'est une grande divergence, il y a plusieurs avis, mais les avis les plus prépondérants, les plus connus, c'est 15 jours ou alors pas de limite. 15 jours ou alors pas de limite. Quand le sang d'Elochi s'estompe, elle peut prendre la douche rituelle et prier, même si cela arrive un peu après l'accouchement. Le sang d'Elochi s'estompe, elle peut prendre la douche rituelle et prier, même si cela arrive après l'accouchement. Et donc là maintenant, on ne parle plus des métroragies, on ne parle plus des menstrues, mais on parle des lochi, la femme qui a accouché. Et si les pertes, donc ça veut dire qu'elle a accouché, et le sang des lochi s'est arrêté quelques heures après, est-ce qu'elle reprend la prière? Ici l'auteur qui nous dit, oui, elle reprend la prière. Et si les pertes de sang persistent, elle attend 60 jours. L'auteur, il nous dit que si les pertes de sang persistent, la femme, elle attend 60 jours, puis prend la douche rituelle, et elle est alors considérée comme étant atteinte de métrorragie. Elle peut prier, jeûner et avoir des rapports. Et donc, les savants sont unanimes quant au fait que le sang des menstrues, lorsque celui-ci s'estompe et qu'il ne revient pas, la femme, elle est purifiée et elle peut donc prier, jeûner, avoir des rapports avec son époux. Et donc là-dessus, ils sont unanimes. Ils ont divergé concernant la plus longue période des lochi. Parce que parfois, certaines femmes vont avoir des lochi qui ne durent pas longtemps et d'autres, ça va durer plus longtemps. Ils ont divergé. On a Abu Hanifa et Ahmed, et c'est le choix d'Ibn Baz, rahimahullah, qui voit que la plus longue période des lochi dure 40 jours. Il dure 40 jours. Pourquoi? Par rapport au hadith de Umm Salama, dans le Mousnad de l'imam Ahmed. كانت النساء على أعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. Les femmes à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, elles s'asseyaient, c'est-à-dire elles arrêtaient la prière pendant 40 jours. Et donc ça, c'est un texte. Ça entre dans la sunna. C'est quelque chose qui se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si ça n'était pas correct, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait montré que ça n'est pas correct. Et donc elle nous dit, les femmes, elles arrêtaient la prière pendant 40 jours à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet avis, c'est l'avis le plus juste. Donc l'avis de Abu Hanifa et Ahmed. On a Malik et Shafi'i, ils voient que c'est 60 jours. Ils voient que c'est 60 jours. Et on a toujours Ibn Taymiyyah qui voit qu'il n'y a toujours pas de limite. Toujours pas de limite. Mais là, l'avis le plus juste, c'est 40 jours par rapport au hadith de donc Umm Salama dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Et là, on va arrêter. Inch'Allah ta'ala, on prend une petite pause.